donc un peu les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs pour cette émission Johnny de A à Z de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de la saison 21 de cette émission Johnny de A à Z. Et pour ce soir, vu qu'aujourd'hui sort le film Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, avec Austin Butler dans le rôle de Elvis Presley et du Colonel Parker joué par Tom Hanks, eh bien, je me suis dit, on va vous faire une petite émission spéciale Johnny Hallyday et Elvis, comme j'ai l'habitude de faire tous les mois de juin, bien entendu. On va retrouver donc des titres de Elvis en live, on va retrouver des titres de Johnny Hallyday en live également. Johnny qui fera quelques hommages à Elvis Presley au cours de son tour de chant. Car donc on va morceler un peu tout ça, nous allons faire 3-4 morceaux d'Elvis, suivi après de 3 ou 4 morceaux de Johnny Hallyday. Et ce sera comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'émission qui devrait durer plus de 2 heures. J'espère que vous êtes prêts. Et si on allait du côté donc de Las Vegas, retrouver Elvis Presley à l'International Hotel, il va nous interpréter tout de suite à That's Alright Mama. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne écoute sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de la Z. Elvis Presley ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't want to leave it now. No, I believe in how. Something in the way she smiles. I don't need. Something in her style that shows me. Don't want to leave it now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves. Something in the way she moves. I don't need no other lover. Something in her style that shows me. I don't want to leave it now. You know I believe in how. Elvis Presley qui reprend Something des Beatles. Petit clin d'œil à mon ami Thierry Gallet qui anime l'émission La Saga de Vapor qu'on retrouve en septembre 2023. closer. Dreams that I read in my body. Please won't you help me? I feel like I'm flipping away. It's hard to breathe and my chest is a heaving. Sweet song of the choir, and you light my morning sky with burning love, burning love, burning love, burning love, burning love, burning love. I'm just a hunk of burning love. I'm just a hunk of burning love. I'm just a hunk of burning love. Just a hunk of burning love. Just a hunk of burning love. A hunk of burning love. Just a hunk of burning love. C'est à Johnny de faire son entrée en scène dans l'émission Johnny de A à Z. Tout à l'heure, on écoutait du Elvis Presley des années 69-73. Là, c'est une idée en 2003 avec Je suis né dans la rue. M'appelle Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Passant déjà 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né, moi je suis né dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont aujourd'hui, derrière un terrain vague où se trouve l'étonné. Sans personne de faire, je devais grandir. Vous ne savez pas si je ne sais pas sourire. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue, pas je suis né dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais. J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Se sont serrés, depuis je n'ai pas changé. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. Maintenant je ne vis plus où les murs sont au jeu gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Moi je suis né. Je suis né dans la rue. On me parle avec respect et je dîne chez les rois. On me choisit mes amis, les meilleurs qu'ils soient. On voudrait me faire changer mais c'est une course perdue. Vous perdez votre temps, je retournerai à la rue. Je suis né dans la rue, moi je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. il rend hommage à Elvis Presley avec ce titre Rock'n'Roll Man. Vous écoutez RIG et l'émission spéciale ce soir, Johnny et Elvis Presley en concert. Il est entré sur la simple marée dans le soleil d'un projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai tant pris l'ennui qui dormait dans mon cœur. Je suis un rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Je le savais, je le sentais. Un rock'n'roll man. On l'appelait le king of rock'n'roll. Il était devenu l'idole. Quand il sentait la foule crier son nom. Et les filles devenaient folles. C'était un rock'n'roll man. Rock'n'roll man. Ses cheveux longs dans ses cannes sont presque ses yeux lorsqu'il chantait rock'n'roll. Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il aimait son nom rock'n'roll. Il avait dans les yeux l'ombre qu'avait laissé la misère de toute une enfance. Et par contre mes fils se sont échappés. Pour lui c'était la dernière chance. Mais d'être un rock'n'roll man. D'être un rock'n'roll man. Il chantait le rock'n'roll. Ses cheveux noirs dans ses cas sont presque ses yeux. Sa guitare épée entre l'argent. Il y avait son nom rock'n'roll. Il m'a donné l'envie d'être ce que je suis. Et puis la bande rock'n'roll. J'ai chanté cette chanson. Oui, j'ai fait de ma vie comme sa vie une course folle. J'ai la rock'n'roll man. J'ai la rock'n'roll man. Et c'est ma vie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit.

my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Not me, I did it my way. Or what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels. And not the words, the one who Elvis Presley. You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man to judge me because I'm evil. My middle name is misery. Mess around with me. Sundown, I left Kingston with my guitar and my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. And for the next 3 weeks, I went to hunt them nights, I'll be looking for a place to play. Well, I thought my picket would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly five stars to death down to Memphis. I run out of money and luck, so I bought me a ride down to Mexico, Georgia on an overloaded boat. I bumped on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I'm hoping I can make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night fears. You know there ain't no room around here for a guitar man. So I slept in the hobo jungle. I roamed 1,000 miles of track till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band with jammer. So I took my guitar and I said, yeah. I showed them what a band would sound like. Oh, the swinging little guitar, man. Show them, son. Take a trip down to the ocean, find yourself down in Mobile. Meet a night to a club called Jackson, you got a little time to kill. And you find that crowd of people you wind up out of his dead floor. And digging to find a little five people, but now they go from Mexico. Yes, who leave that five people? And what wouldn't you know is that swinging little guitar. Le Special Comeback de 1968. I've got a new record, ladies and gentlemen, and I'd like to do it for you now. Yesterday I slipped away to sun as I walk amid the healing shadows of a perfect day. And the next step is love. Next step is love. We've walked barefoot through the misty meadows, laughing at each other in the rain. Made some faces at some people in the park and didn't bother to explain. Fun, fun, look at us run, going nowhere special really fast. We've yet to taste the icing on the cake that we've been baking with the past. 'Cause the next step is love. So what are we waiting for? Yeah, the next step is love. Girl, it's for sure. Yesterday sunlight is a welcome in the evening shadow of a perfect day. And the next step is love. Next step is love. Love will be a place to run to from the world, they will to you and me. We'll be closer than we've ever been, though looking back it's so hard to believe. We picked up on the way to now. Changes are coming, but together we can make it through somehow. 'Cause the next step is love. So what are we waiting for? Yeah, the next step is love. Girl, it's for sure. A human shell of a perfect day. And the next step is love. The next step is love. Yes, it's love. Yes, girl, it's love. Yes, it's love. Yes, girl, it's love. Next Step is Love, Elvis Presley en 1970, on retrouve Johnny dans l'émission Johnny de la Z, puisque c'est son émission, bien entendu, avec ce titre, Je te promets. Johnny, Elvis chante l'amour, Johnny aussi chante l'amour. Je te promets le sel, le baiser de ma bouche, je te promets le miel, à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Tes dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé, le secret de mon âme. Je te promets la vie, de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des âmes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours troubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches, des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir.

laisser jamais vos gars. On va retrouver une chanson que Johnny et Elvis ont également interprétée, La Quête et The Impossible Dream. J'ai choisi cette chanson parce que c'est un chanteur, auteur, compositeur que j'adore plus que tout au monde, c'est M. Jacques Brel. Son ami, c'était son ami. Et j'ai choisi à ma façon de lui rendre hommage. En chantant sa chanson de Don Quichotte, La Quête. Génie sur RTL Direct. RTL. Accessible et toi. émission spéciale Johnny et Elvis Presley ce soir sur le thème de l'érigé dans l'émission Johnny de A à Z. Voici la version d'Elvis Presley de La Quête, The Impossible Dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. For the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, and my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage. Maintenant, Elvis Presley en unplug. Now, wait a minute, wait a minute. There's something wrong with my lip. You remember that, don't you? Yeah. I got news for you, baby. I did 29 pictures like that. Hey, Elvis, the fingers. Yeah, that's all I can move in Florida. Yeah, the police filmed a show one time in Florida because the PTA, the YMCA, or somebody, they thought I was something. And they said, man, he's got to be crazy. So the police came out and they filmed the show. So I couldn't move. I had to stand still. The only thing I moved was my little finger like that. The whole show. Shook up. Yeah, yeah, yeah. While I bustle, I shake, what's wrong with me? I'm itching like a man on the foot of a tree. My friends say I'm after the wild of the bug. I'm all shook up. Yeah, yeah. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah. Oh, I mean, don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. And I'm the girl that I love so. My heart beats so it's scared of me to death. I'm just touching my hand. Now what a chill I've got. My lips are like a margarita on his heart. I'm proud to say she's my first cup of love. I'm all shook up. Time, baby. It's hot, I'm telling you. Love me tender, love me sweet. You have made my life a wreck, not complete. And I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. For my darling, Ara, I love you, and I always will. Despair been traveling over mountains, even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day, I've been running all the way, maybe trying to get to you. Ever since I read your letter, I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Night, it would shine as bright as light when I was trying to get to you. One more time. Night, it would shine as bright as light. Special comeback d'Elvis Presley en 1968 et cette partie Unplug. La partie Unplug, on le retrouve aussi avec Johnny Hallyday et là on le retrouve à Bercy en 1995. Émission spéciale Johnny Hallyday et Elvis Presley ce soir sur Antenne du RIG. À l'occasion de la sortie du film Elvis de Baz Luhrmann avec Austin Butler qui joue Elvis Presley et Tom Hanks qui joue le colonel Parker. Et ce film est sorti aujourd'hui le 22 juin 2022. Merci, merci, merci, merci, merci beaucoup. Enfin, je suis un peu plus proche de vous. Ça me fait énormément de bien de vous voir de plus près. Parce que d'habitude, je vous entends, mais je ne vous vois pas vraiment. Ça va tout le monde? Alors ce soir, nous aimerions faire quelques chansons pour vous, comme on fait certains soirs, quand on se sent bien comme ça, avec uniquement quelques amis à la maison. Donc si vous fermez vos yeux ce soir, je vais vous inviter chez moi. On va prendre une guitare sèche et on va vous chanter des chansons. Vous avez le droit également, si vous reconnaissez quelques chansons, de vous joindre à nous et de chanter avec nous. Alors tout ce qui reste à savoir, où est-ce que je vous invite chez moi? À Paris ou à Lorada? Paris. Paris? Le radar? Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de lumière sur nos amis? Que je puisse les voir un peu mieux? Vous êtes chaud ce soir! Moi aussi. Bon, alors maintenant que je vous vois, maintenant qu'on est plus proches les uns des autres, je vais vous chanter une vieille chanson, moi. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années dans tes yeux. La lumière n'est là que pour lui, le sais-tu? La lumière, ça n'est pas infini. De le voir en lui, quel espoir! Au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais tes temps. Trois années, super. Mon cœur ne peut être pour toi le premier. J'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes temps. Années, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres, tes tendres années. Merci beaucoup. Souvenir, souvenir, souvenir. Merci. Vous savez comment j'ai commencé à chanter du rock'n'roll? Rock'n'roll! Ben, j'ai commencé à chanter du rock'n'roll en allant tout simplement voir un western. Le film s'appelait Loving You.

citer ce nom. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de le souvenir avec une voix qui grince comme un 45 tour usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Pas de rock'n'roll. Que je vais rester sourd pendant très longtemps, avec le sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang, les yeux tournés vers l'horizon d'où sortent les rêves. Tu hurleras tes mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Tu pas de rock and roll. Pas de rock and roll. Pas de rock and roll. Pas de rock and roll pour moi. Tu pas de rock and roll. Tu pas de En 2016, lors de sa dernière tournée Restez Vivant Tour, John Hallyday avait interprété une autre chanson de Elvis Presley que Johnny Elvis avait interprété chez Sun en 1954. De Elvis. Chanson qu'il avait enregistrée en 1956. Maintenant 54. Sur le label Sun Records à Memphis, Tennessee. Eh oui. Et cette chanson s'appelle I'm left, your right, she's gone. Oh, yeah. Oh, you're right, I'm left, she's gone. For me. When I thought I knew just what she knew, I guess I loved too much. But you tried to tell me all along, she only played my heart. Well, you're right, I'm left, she's gone. But you're right, I'm left all along. Well, you tried to tell me so, I think who was I to know? But she was not the one for me. Oh. 16 ans, on retrouve Elvis Presley à l'International Hotel à Las Vegas. As a snowflake on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. But if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. You're gonna be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Will the world turns? And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child in the ghetto, and his mama cries. Soirée spéciale Elvis Presley, Johnny Hallyday, ici sur l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Tiens, on reconnaît ça. Johnny a repoussé cette chanson-là en 1984. What are you looking at back there? Quand il fut à Nashville. Tommy Joe White l'avait écrise au départ, hein, pour Elvis Presley. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. And it looks something like a turnip green. And everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Hut, two, three, four. Hut, hut, two, three, four. Hut, hut, two, three, four. Hut, two, three, four. Hut, anyway, I used to know a girl lived down there. She'd go out in the evenings and pick her a mess of it, carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look pink. Salad Annie, you got your granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on the chain gang. A mean, vicious, straight razor toting woman. Lord have mercy. Every day before supper time, she'd go down and buy the truck patch and pick her a mess of poke salad and carry it home in a toast sack of poke salad, Annie. You got your granny. Everybody said it was a shame, cause her mama was a-working on a chain gang. Hey. He's Uncle Little Foot. Her daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. Crash, old Saturday, daddy. You just got your granny. Everybody said it was a shame, cause her mama was a working on the chain gang. Your Uncle Little Foot at you, no one needs. Your Uncle Little Foot. Elvis embrassait les filles dans la salle, même la petite fille, il embrasse, mais sur la joue, hein, uniquement sur la joue, pour retrouver Elvis Presley, Johnny Hallyday, pardon. Et la terre promise de Promised Land que Elvis Presley a également interprété, mais c'était à la base une chanson de Chuck Berry. Émission spéciale Johnny Hallyday et Elvis Presley ce soir à l'antenne, sur l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. dans son cœur, vous en avez écouté. Et que sauver la terre promise, dans ses plus de contre la jour. Et qui est laissé ma cheville, et je suis reparti à jour. Solitude en solitude, le plaisir est bien parcouru. Avant de perdre l'habitude de conjuguer le bienvenu. La vie est la terre au promis, et tout ce jour après le pays toujours. Tant pis si j'y perds ma chemise, si je peux y trouver l'amour. Cette fois-ci, Johnny Hallyday et Little Dejeune. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune. Et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file. Et tout seul de ville en ville, je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, et le spectacle terminé. Où s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Dans les mêmes qui m'envient. Et s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis. Combien tout seul je suis. Tous ceux qui sont fans de Gene Vincent. Oui, bebop, little Gene, my baby. Bebop, little, I don't be made. Bebop, little Gene, my baby. Bebop, little, I don't be made. Bebop, little Gene, my baby, my baby, my baby. Well, she's a girl, you know. between some hold of teeth. She's a woman, I don't know. She's a woman that loves me so. Be-ba-ba-loo, she's my baby. Be-ba-ba-loo, I don't want to be made. Be-ba-ba-loo, she's a baby. My baby, no. She's the one with the flying feet. She's the one that does the longest tour. Well, she's the one that gets my baby. Baby, for you, I don't need a baby. Baby, for you, she's my baby. Be-ba-ba-loo, I don't need me. Be-ba-ba-loo, she's my baby. Be-ba-ba-loo, I don't need me. Be-ba-ba-loo, quitte quelques instants le rock'n'roll pour retrouver Elvis Presley à l'International Hotel en 1969 et avec ce titre de Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. sail on by. Your time has come to shine. All your dreams on the way, see how they shine. Qui est une chanson de Gilbert Bécaud, Je t'appartiens. Voici American Trilogy, Elvis Presley. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away. On retrouve Johnny Hallyday avec ce titre, cet homme que voilà. Soirée spéciale Johnny Hallyday et Elvis Presley à l'occasion de la sortie du film Elvis dans toutes les salles de cinéma depuis aujourd'hui le 22 juin 2022. T'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu perdu de remords. Pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, cet homme que voilà. Je vais laisser la place, je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme, je vois ton avenir. D'autres mains te réclament, que tu vas faire souffrir. Tes jolis yeux sans âme me dégoûtent. Va détruire le bonheur, fais ton travail sur terre. Va faire couler des fleurs et va déclencher des guerres. Ton joli corps sans cœur, va le vendre aux enchères. Je voudrais tant que ton dernier contrat, que ton dernier client soit le que voilà. La la la la la la la la la la la. Ce n'est pas fini. Je vous réserve encore quelques minutes de Johnny Hallyday et de Elvis Presley, encore dans cette émission spéciale Johnny Elvis. Ici sur RG dans l'émission Johnny de A à Z. Chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, laissons parler, hein. Mais de quoi? Hey Joe, le chômage, la bombe. Tu t'en fous de tout ça? When I tried to think of a special song for tonight, a special song that really says something, you know, a message song, what'd I do? Oh, yeah, I came up with this. I looked her square in the eye because that's all she had was one big square eye right in the middle of her. I said, baby, she said, She was weird too, you know, I got up real close to her and it was a very tender, touching moment, you know, and I said, baby, baby. Sound like a frog, so she got mad and left, you know. She said, he's completely nuts. So I stood there for a minute and waited for the sweat to fall on the floor. And I said, cleared my throat, and they said, look, you can't do that on stage, you fool. So, they're watching me, folks. They're going to come get me. It's just a matter of time, really. They got woolly boogers all over this audience, man, saying, watch him, get him. You know. So I got up very close to her, you know, and I said, baby, baby, baby. And I jumped off the lily pad into the water. So I heard a funny noise and I didn't know what it was. I realized it was me, you know. I said, you ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. New record just came out, ladies and gentlemen. I hope you like it. It's called Suspicious Minds. Le grand titre de Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Suspicious minds. So if an old friend I know is not by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again. Oh, oh, oh, oh. Asking where I've been. Oh, oh, oh. You can't see the tears are real, I'm crying. can't walk out because I love you too much, baby. Ladies and gentlemen, you're really a fantastic audience. And there's a song we did in Blue Hawaii that we did here about 10 years ago. And I'd like to sing it especially for you, okay? Yeah. never seen any fans like Elvis fan. The encouragement that these songs, even today, have on the people and the effect it has on them. Nous sommes tous infectés, oui, tout à fait, par les chansons d'Elvis Presley, c'est ce qu'il disait à l'instant. Never would have dreamed that his records would be selling, still like they're selling. Everybody on stage is aware of his vibe. There's a vibe going on. Yeah. You know, we're lucky to be associated with all of this. Elvis a quitté The Building, comme on disait à l'époque, c'était sa chanson de finish. Et on va retrouver d'ici quelques instants Johnny Hallyday, qui va terminer aussi son set pour cette soirée spéciale Johnny Hallyday et Elvis Presley. Ladies and gentlemen, Elvis has left for Graceland. Thank you and good night. On retrouve Johnny Hallyday à Bercy en 1987 avec ce titre, L'envie. Qu'on me donne l'obscurité. Qu'on me donne la faim, la soif, dis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. J'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on permanent pour aimer à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié et puis les merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Pour que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, pour ne pas des discours, et toucher la misère, pour respecter l'argent, oui, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. On me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Pour me donner le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Yeah.

Et maintenant, nous arrivons au dernier titre de cette soirée-là spéciale Johnny Hallyday et Elvis Presley ici sur RG dans l'émission Johnny de A à Z. Merci beaucoup. J'aimerais rendre un petit hommage ce soir à quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'envie dans le rock'n'roll, monsieur Jerry Lee Lewis. Un petit clin d'œil. Come on over, whole lot of shaking going on. I said, it's time on over, baby. We've got a chicken in the bar. Come on over, baby. We've got a chicken in the bar. We're shaking, whole lot of shaking going on. I said, shake, baby, shake. I said, come on over, baby, come on, let's rock and roll. Chicken in a barn, who's barn, what barn, my barn? Come on over, baby, we've got a chicken in a barn. We ain't shaking, a whole lot of shaking, oh, now. I said, shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. I said, come on over, baby, let's rock and roll. Cette émission spéciale Johnny Hallyday et Elvis Presley ici sur l'antenne de RG dans l'émission Johnny de A à Z. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission et pour votre présence hebdomadaire pour cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison 21 de Johnny de A à Z. À très bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.